Chapitre 7. Hortz avait expliqué à Amy que certaines torpilles d'un modèle récent produisaient en se désintégrant une onde de choc qui détruisait la cible visée. Ce système avait l'énorme avantage de disloquer la coque sans engendrer d'incendie ou d'explosion. Dans le cas présent, l'intérêt des attaquants était d'éviter de transformer l'Almoa en un brasier dont la chaleur aurait non seulement consumé les œuvres d'art de la cargaison, mais aussi liquéfier les lingots d'or. Il n'y eut donc pas de déflagration. Amy eut plutôt l'illusion que la mer se soulevait, tel un animal qui fait le gros dos. Elle crut qu'elle allait être éjectée du canot pneumatique, puis un vacarme de tôle froissée s'éleva dans la nuit. On eût dit qu'une bête déchiquetait le navire. Ses dents crissaient sur l'acier moribond. La coque éventrée craquait, grinçait, sur une note effroyablement aiguë. Une usine qui s'effondre, pensa la jeune femme au comble de la panique. 10 000 locomotives qui tombent en pièces du haut d'une falaise. Il lui semblait voir des centaines de cheminées géantes basculer telles des quilles, culbutant, s'entraînant les unes les autres en un pêle-mêle de ferrailles tordues, de poutrelles pliées à angle droit. Elle ne regarda pas en arrière, terrifiée à l'idée de ce que son œil pourrait surprendre. Un projecteur troua la nuit, l'éblouissant. « Schnell, schneller !» hurla une voix déformée par l'écho d'un haut-parleur. Amy comprit enfin que le U-boat avait fait surface. Ils allaient les recueillir. Du moins, s'ils parvenaient à échapper au maelstrom que le cargo était en train de creuser en s'enfonçant. Le sous-marin ne s'avancerait pas davantage. Il ne pouvait courir le risque d'être aspiré par l'épave et de la percuter. Le submersible ne pesait rien en regard de l'énorme masse de l'Almoa. Bientôt, la jeune fille sentit que ses coups de pagaie n'empêchaient plus le dinghy de faire marche arrière. Il reculait. L'entonnoir allait les avaler. La succion augmentait de seconde en seconde. Soudain, un filin leur fut lancé depuis le bâtiment. Amy eut le réflexe de lâcher sa rame pour saisir la corde. Le bruit d'un treuil se fit entendre. Lentement, l'engrenage pétaradant les arracha à la traction du cône d'aspiration. Un long fuseau luisant sortit de l'obscurité. Dans la confusion de la peur, Amy crut qu'il s'agissait d'un requin de métal gris, au cuir couvert de verrues, puis elle réalisa que les excroissances étaient en réalité des boulons. Des cris d'encouragement fusaient de toutes parts. Le canon gonflable heurta le balsade tribord. Aussitôt, des mains se tendirent, empoignant les naufragés. Après avoir hissé Hortz et Amy sur le caillebotis métallique du pont, les matelots marquèrent un temps d'hésitation. Ils venaient de découvrir Sharon. Cela ne dura qu'un bref instant, tout de suite ils se reprirent. Ils étaient enveloppés de cirés noirs qui leur faisaient des silhouettes d'hommes tritons. Leurs mains rougies par le sel avaient la force d'une pince. Amy se sentit soulevée dans les airs. Un homme coiffé d'une casquette de la Kriegsmarine vint à sa rencontre. Il était jeune, barbu, empestant le soin et le tabac. Plus tard, Amy devait découvrir que ses dents étaient noires. Ziegfeld lui expliquerait que les matelots avaient pris l'habitude de chiquer à cause des vapeurs explosives émises par les batteries. « Eric Weser, capitaine !» hurla le marin pour dominer le bruit des vagues. « Mes félicitations, beau boulot !»« Colonel von Hortz !» s'empressa de répondre Ziegfeld, officier supérieur détaché de l'amirauté. Il avait imité à merveille le ton sec condescendant d'un hobereau prussien. « Il ne faut pas rester ici, » expliqua Weser. « L'épave est en train de nous aspirer. Je dois faire machine arrière pour reprendre ma distance de sécurité. Suivez le Bosco, il va s'occuper de vous. Je me charge de la manœuvre. » Amy fut poussée vers une écoutille. Une échelle de fer s'y trouvait plantée. Elle l'empoigna pour se laisser glisser dans le ventre du sous-marin. Tout de suite, elle manqua d'air et crut suffoquer. Une atmosphère moite, empuantie par les exhalaisons des diesels et la crasse des hommes d'équipage, l'enveloppa telle la touffeur d'un hammam. Un matelot la saisit par le poignet pour la guider à travers un invraisemblable labyrinthe de canalisations, de manomètres, de cadrans, de serpentins. Elle se cogna plusieurs fois la tête à un volant de purge. L'exiguïté du lieu avait quelque chose d'horrifiant. En son point le plus large, le U-boat mesurait moins de 4 mètres. Et encore, ces 4 mètres étaient-ils aux trois quarts occupés par le fouillis reptilien des tuyaux entremêlés. À certains endroits, on ne pouvait circuler que de profil. Ami entrevit des trognes effrayantes, barbues, hirsutes, des maillots de corps huileux. Elle ne cessait de se heurter aux vannes, aux leviers ou aux hommes qui, à son contact, reculaient comme sous l'effet d'une décharge électrique. « Fräulein, vous êtes trempée, » dit le Bosco. « Entrez là, c'est le carré du capitaine. Je vais vous apporter de quoi vous changer. Pour la petite fille, il faudra vous débrouiller, nous n'avons rien à sa taille. » Ami pénétra dans un réduit de 2 mètres carrés, fermé par un rideau de feutre épais coulissant sur une tringle. Une cabine d'essayage de grand magasin, songea-t-elle. Regardant autour d'elle, elle distingua des livres sur des étagères, un petit placard, une couchette, pour l'heure relevée contre la paroi. Une tablette, elle aussi relevée. Tout était pliable, minuscule. La chambre d'un nain, se dit-elle, cédant à la fantasmagorie de l'épuisement. Elle fut rejointe par Sharon, grelottante, trempée elle aussi. Ses longs cheveux dégoulinants mettaient en relief son visage ravagé. Soudain, elle avait l'air d'un lutin maléfique échappé d'une légende gothique, un petit être malfaisant né pour répandre la destruction et le malheur. Elle faisait peur. Honteuse de sa réaction, Amy s'agenouilla et entreprit de lui arracher sa carapace de laine mouillée. De l'autre côté du rideau de séparation, le Bosco tout sauta. « Biteux, Fräulein, » murmura-t-il. « Je glisse les vêtements sur le sol. Je n'ai rien trouvé de mieux, j'espère que ça ira. »« Danke, » fit Amy, en priant que son allemand ne soit pas teinté d'accent anglais. Elle s'empara d'une serviette éponge douteuse et bouchonna Sharon avant de se sécher elle-même du mieux qu'elle put. Les habits se réduisaient à 2 maillots de corps, 2 caleçons, 2 pulls qui puaient la graisse de mouton. Des chemises militaires complétaient ce trousseau qui n'avait pas connu le blanchissage depuis 6 mois. Elle ne s'en étonna pas. La vie à bord des sous-marins était précaire, l'hygiène inexistante. Ne pouvant se laver, les hommes croupissaient dans leur sueur. De temps à autre, on leur distribuait des tampons de ouate imprégnés d'eau de Cologne, avec quoi ils se nettoyaient les aisselles et l'entrejambe. « Ça va ?» demanda-t-elle à Sharon lorsque la fillette eut passé les habits secs. « C'est trop grand, » se plaignit celle-ci. « J'ai l'air d'un clown. Ils vont se moquer de moi. »« Mais non, » murmura Amy en l'attirant contre elle. « Ça ne risque pas d'arriver parce que tu leur fais peur. N'oublie pas que tu as un rôle à jouer. Ne leur souris jamais. Reste distante, comme si tu étais somnambule. Tu dois les amener à voir en toi une sorcière. C'est notre seule chance de nous en sortir. Tu as compris ?» Elle feignait une assurance qu'elle était loin d'éprouver. Tout allait dépendre de Ziegfeld. Parviendrait-il à convaincre le capitaine? Elle fit une boule des habits trempés et tira le rideau. Elle surprit le regard des matelots fixé sur elle. Gênés, ils détournèrent la tête. « Je vous ai apporté du café chaud, » annonça le Bosco qui arrivait de quart fumant à la main. « Danke, » répéta sottement Amy. Ziegfeld Hortz avait identifié le submersible comme un type 7 classique, modifié par la jonction d'une prise d'air, qui lui permettait de naviguer en immersion périscopique sur ses diesels, ce qui rallongeait d'autant la vie des batteries. Eric Weser, le pacha du bâtiment, l'avait attiré à l'écart dans un recoin de la cale arrière, au milieu d'un dédale de tuyaux, pour faire le point sur la mission. Toutefois, Hort se sentait de plus en plus mal à l'aise, car depuis 2 minutes, le capitaine le fixait d'une manière étrange. « Ça y est, » songea-t-il avec fatalisme, « je suis démasqué. » Il connaissait la grosse Ethel Pumper, mon histoire ne fera pas illusion. Tant pis, il fallait bien tenter quelque chose. « Excusez-moi, » fit tout à coup Weser. « Je vous dévisage, c'est impoli, mais c'est que je n'en reviens pas de vous rencontrer. J'ai tellement entendu parler de vous par mon père. Vous étiez dans la même escadrille dans votre jeunesse, n'est-ce pas ?»« Comment ?» bredouilla Ziegfeld. « Mais oui, vous êtes bien Ziegfeld von Hortz ?» Celui qu'on surnommait le Condor? Mon père était le baron Weser von Tachden. On l'appelait le sanglier volant parce qu'il s'obstinait à porter un blouson en cuir velu, mal tanné, qui lui tenait lieu de fétiche. Mon Dieu, jura Ziegfeld, rattrapé par les souvenirs d'une autre vie. Une vie à laquelle il avait tourné le dos depuis longtemps. Mais oui, bien sûr, je me souviens. Mon père m'a souvent parlé de vous, reprit le jeune capitaine. Il avait sur son bureau une photographie de vous deux posant devant son biplan préféré. C'est pour cela que je vous ai reconnu. Quelle coïncidence! C'est extraordinaire! Je suis heureux et flatté! Siegfried se composa un visage avenant. C'était bien la première fois qu'il laissait un bon souvenir derrière lui. Mais il n'y avait rien d'étonnant à cela. Aucun de ses anciens compagnons d'armes n'était au courant de la tournure qu'avait prise sa carrière après la défaite de 1918. J'étais à la retraite, bougonna-t-il. Le Führer m'a rappelé. J'ai été muté dans les services spéciaux de l'amirauté. Un honneur. Je ne pouvais refuser. Vous êtes toujours le meilleur, lâcha Weser d'un ton appréciateur. Sans vous, nous aurions arraisonné l'Almoa prématurément et ces damnés agents anglais auraient détruit la cargaison. Vos signaux nous ont épargné une épouvantable bévue. Mais venez, nous allons parler de tout cela autour d'un bon verre de schnapps. Ouvrant le chemin, il guida Hortz jusqu'à son carré. Ami Sharon ne s'y trouvait plus, le Bosco les ayant installés près de la cambuse pour leur permettre de se restaurer. Weser déplia l'abattant de la table et sortit d'un placard une bouteille d'alcool et deux petits verres. « Excusez-moi de me montrer curieux, » fit-il en versant l'alcool. « Mais qui sont ces deux personnes qui vous accompagnent ? Je ne m'attendais pas à récupérer un trio d'espions. » « La femme se nomme Gunrun Dranke, » répondit Hortz, débitant la fable mise au point à bord de l'Almoa. « C'est mon assistante. Elle appartient, elle aussi, au service de renseignement de l'amirauté. Elle avait pour mission de séduire les deux Rosbif. La petite fille, c'est plus compliqué. » Baissant la voix, il attaqua la partie la plus délicate de la supercherie. La devineresse, le médium d'Hitler. Ça passe ou ça casse, songea-t-il en fixant le capitaine droit dans les yeux. Vous connaissez l'intérêt que notre Führer porte au paranormal, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que... Et il parla de prédictions, d'oracles vikings, de runes, de pitis, faisant donner toute l'artillerie du surnaturel. La fillette était un médium exceptionnel, réquisitionné par Churchill, qui l'utilisait pour prévoir les futurs impacts des bombes volantes. C'était une espèce de somnambule, coupée du monde, mais dont les résultats étaient stupéfiants. Voilà pourquoi Hitler tenait tant à se l'approprier. Les agents anglais l'emmenaient en Australie pour la mettre à l'abri, conclut-il. À Londres, on la considère comme faisant partie du trésor royal. Éric Weser battit des paupières, interloqué, mais s'appliquant à le dissimuler du mieux possible. Mal à l'aise, il se mit à tripoter la croix de fer de première classe qui pendait à son cou au bout d'un lacet de cuir. Tous les officiers savaient que leur chef suprême vivait entouré d'une cour de devins astrologues. Certains le désapprouvaient, d'autres ne se prononçaient pas. Le capitaine Weser, comme tous les marins vivant en contact permanent du danger, était devenu extrêmement superstitieux. Hortz avait misé sur cette particularité. Il savait les sous-marins encombrés de mascottes, de porte-bonheur. On y observait 1000 rituels magiques destinés à éloigner le malheur. S'il existait un milieu où le don de Sharon pût être accepté, c'était bien celui-là. « Bien, bien !» fit le capitaine en fourrageant dans sa barbe blonde. J'espère seulement que sa présence ne troublera pas trop les hommes. Certains sont très à cheval sur les règles à respecter. Et vous savez comme moi que les femmes ont la fâcheuse réputation de porter malheur. C'est pour cela que les marins refusent de les voir embarquer sur un navire. « Je sais, » soupira Hortz, « mais il s'agit du Führer. Je pense qu'aucun de vos matelots n'aura à cœur de le contrarier. » La menace était à peine voilée. Weser tout sauta. Avant de prendre le large, je dois à tout prix envoyer un plongeur dans l'épave pour récupérer la caisse contenant les bijoux de la couronne. Bon Dieu, lâcha Siegfried, soudain intéressé. Je croyais que l'ensemble serait repêché par le vaisseau chargé du renflouage. Non, fit Weser. L'amirauté ne veut courir aucun risque. Le plateau sur lequel l'épave s'est posée est constitué de pierres ponces friables. Ce piton volcanique n'est pas large. Il forme une espèce de socle isolé de 300 mètres de diamètre. Il peut s'effondrer sous le poids du cargo et faire basculer l'épave dans une fosse marine. Une chute de 1500 mètres. Si cela se produisait, l'Almoa serait définitivement perdue. Rien ni personne ne pouvant descendre si bas sans être aussitôt broyé par la pression. Bien sûr, il n'est pas question de s'occuper des lingots, nous n'avons pas la place pour ce genre de fret. Mais les joyaux de la couronne, c'est différent. Le haut commandement pense que ce serait là un coup formidable porté à l'honneur de l'Angleterre. Un camouflet sans précédent. Pensez donc, nous ne nous priverions pas de faire savoir que le Reich est en possession des fameux bijoux. Il se peut même que le Führer se fasse photographier au milieu d'eux, le pied posé sur la couronne. Il partit d'un rire sourd qui fit tressauter la croix de fer de première classe sur sa poitrine. Hotz l'imita avec une seconde de retard. Il était encore sous le coup de la révélation. Les joyaux de la couronne allaient voyager à bord du U-boat, à portée de main. C'était inespéré. Erich Weser redevint sérieux. « Ce ne sera pas une partie de plaisir, grogna-t-il. Je vais devoir expédier un plongeur dans l'épave. Si le navire s'est écrasé en touchant les hauts fonds, ce n'est plus à l'heure actuelle qu'un fouillis de tôles froissées, deux ponts encastrés les uns dans les autres. S'orienter dans un tel labyrinthe n'est pas chose facile. De plus, les corps déchiquetés des passagers vont attirer les requins. Ils pullulent dans ces eaux. La présence des bombardiers va nous pourrir la vie. Ils seront là dès l'aube à tourner dans le ciel comme des cormorans. Heureusement pour nous, ils ne sont pas encore équipés de radars. » Les bijoux de la couronne d'Angleterre, fit rêveusement Siegfried Hortz. Une chose est sûre, si vous parvenez à les récupérer, le moral des Britanniques ne s'en relèvera pas.